votre maison de bois vaut bien 1000 HLM et même plus que ça. Ils peuvent tout détruire, papa ne pleure pas. On ne veut pas partir pour aller voir là-bas les cheminées d'usines du haut de 15 étages, le linge des voisines pour unique nuage. C'est pour une autoroute que tout est démoli. Ils ont pensé sans doute que tout est bien ainsi, puisqu'on va nous caser dans un des blocs immenses qui devrait remplacer la maison de l'enfance. Le cerisier trop vieux et la vigne sauvage, maman les larmes aux yeux retrouve les images au détour du sentier, les rires des enfants et les pommes tombées mordues à belles dents et la douceur du soir quand avec les voisins bavarde un bonsoir en parlant du jardin et des premières pluies qui se sont fait attendre. Si l'on n'est pas d'ici, on ne peut pas comprendre. La maison que l'on aime, notre maison de bois, vaut bien les HLM et même plus que ça. S'ils veulent tout raser, ils ne nous prendront pas. Notre royaume fait notre maison de bois. Tout est...